va. De tous les hommes, vous êtes le plus vénin. Vous avez tous les dactylos. Donc on va continuer bien sûr une émission avec Dalida et le titre s'appelle tout simplement Salma et juste après on écoutera tout simplement eh bien France Gall. Courir la fortune, car le Voici donc le groupe Gold avec Plus près des étoiles et puis juste après Billy Paul avec You Song. Les mains tendues vers le ciel, plus près des étoiles. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. It's the people like you.

avec Caméléon El Coco. Caméléon, Latina Girl, El Coco, et des majaretas para ti. Trompette entre parenthèses pour Véro, voici donc eh bien Céline Dion, son chanteuse préférée, et juste après Jean-Jacques Goldman. Je vois bien que je veux un amour. sunny afternoon. Tout simplement Baltimora, trois fois tout simplement qu'on écoutera juste après. Donc sans rien, trois fois boy. spécial, un amour de la femme. Voici donc la programmation pour les émissions de la soirée ainsi que pour ce week-end, donc demain et après-demain. Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Donc voilà pour l'émission Découverte avec Manuel, à partir tout simplement de 17h jusqu'à 19h. Juste après, vous allez retrouver tout simplement Manuel pour l'émission Albino, à partir donc 19h jusqu'à 22h. Voici donc Paya avec tout simplement Lena Cordes. Voici donc eh bien, deux chansons différentes. Voici donc Lauriane Bach avec deux chansons différentes. Le premier, c'est La Paix. Et puis la deuxième, elle s'appelle Flamenca. Un petit coucou. Les colombes dorment à l'ombre, de bons oliviers, vieux comme les roses. Encore un par ses heures sombres, c'est réveiller la paix qui rôde. La paix, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Un coin de terre pour se promener, une rue pour parler aux voisins. Aussi sage en photo mais pas en pension. J'ai des fourmis dans les bagages, des gants de boxe et mes questions. Au pays où l'on sort des pions, où les domoticiens sont rois. Je pilote. faute, ma prière. À traverser ma vie sur des coups, sans courage dans les plus beaux combats, j'ai senti mes rêves les plus fous s'évanouir dans un delta. Si c'était ça le vrai crime, tu es l'enfant que l'on était. Je pilote ma prière. Ma prière. suis fou. Même si j'écris que je t'aime comme un enfant blême, n'ouvre pas, sauve-toi, oublie-moi. Couvre-toi, pense à toi, laisse-moi. Rémi Boissereau et le titre Oui, je l'aime. Je sais qu'elle me voit pas, j'entends mon cœur qui bat plein d'espoir. Je la trouve si belle, mais c'est plus fort que moi. Je veux m'approcher d'elle, je n'ose pas. Malgré toutes mes angoisses, j'attends qu'elle revienne. Ma peine, le temps passe. Je ne sais plus comment faire pour lui dire tous les mots. J'aimerais tellement lui plaire, c'est trop. C'est pas pourquoi, c'est stupide. Je la vois revenir, elle me frôle, et soudain, ce sera trop tard demain, mais je veux fuir. Fiesta.

déjate llevar. Hey, hey, hey, bonita, ven, que se va. C'est la fiesta, la fiesta. Si algo nos hace mal, allez, viens, on y va. Ce soir, c'est la fiesta, la fiesta. Si algo nos hace mal, allez, viens, on y va. Allez, viens, on va s'aimer. Ven conmigo. Allez, viens, on va danser. Allez, allez viens, ahí está vida loca. Esta vida loca. Dime si tú quieres, porque yo sí quiero gozar, gozar. La vida loca, la vida loca. Dime si tú quieres, porque yo sí quiero gozar, gozar. Ce soir, c'est la fiesta, la fiesta. Y a no nos hace mal, allez, viens, on y va. Ce soir, c'est la fiesta, la fiesta. Y a no nos hace mal, allez, viens, on y va. Allez, viens, on va s'aimer. Allez bien, on va danser. Allez bien, ahí está vida loca, esta vida loca. Vida loca, tú vives tu vida. Vida loca, vida loca. Yo vivo la vida. Vida loca, vida loca. Tú vives tu vida. Thank you.

s'appelle Ma philosophie avec Amel Ben. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger, et toujours le point levé. Fais la tête, bombez le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Finalement, laisse pas le choix. Je suis là, qui pas le roi. Gré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes. Moi, je lèverai le poing. Ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire qui a appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère. Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Moi levé vers l'avenir, et la tête et le temps. Cesse de doubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, si pas le roi. Viser la lune, ça me fait pas peur. Mais ma lusure, j'y crois encore. Et au cœur des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours

donc elle s'appelle tout simplement Sarah et le titre Un monde à nous. De ses peurs, je veux sentir ton cœur vibrer contre le mien. Vivre simplement, nous libérer de ses rêves, oublier la douleur et penser à demain. Partir pour se Vincent avec Fouille de la Passion, et puis juste après lui avec des chansons de Mila Bella avec La Liberté. Super amant, aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille.

Ils sont trop méchants, rarement bienveillants. Le titre s'appelle Ami O. Avec tout simplement avec Fréquin Correction. Oh, bouquet décalé. Alors que tout est là, et à mes domicile, on va. chaque jour. Mexico, Mexico, Mexico. Tes femmes sont à les athées. Et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine, sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie. Le beau ciel de Mexico, on devient fou, au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Trop jaloux, trop jaloux, trop jaloux, oh là là là, y'a trop jaloux. Voilà donc, eh bien, l'émission touche à sa fin. C'est cette chanson-là qu'on va se dire bonsoir à tous et à vous toutes avec tout simplement la chanson de Kid V avec Choqué, tout simplement. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Voilà donc, eh bien, comme je vous dis, l'émission touche à sa fin. On va se retrouver prochainement. Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Et puis donc, soyez très bien ensemble et soyez très prudents sur les routes. Voilà donc, eh bien, bonsoir à tous, bonsoir. Dis-moi, j'ai qui tu es, de ton label, je suis habitué. Tu es à, elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué là. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué là. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué là. Je ne l'ai même pas chauffé que mademoiselle enlève le tout. La température est montée, je sens que ça va être chaud. Comme un taxi à New York, elle était facile à pécho. Pécho, oui c'est une vie facile, facile, facile. Certes mais elle me fascine, fascine, fascine. La chica de Brasil, Brasil, Brasil. Et t'en allais simple à l'asile, l'asile, l'asile. Ah, elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué là. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué là. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué là. Chaud, mais j'aime ça, j'adore la chevaucher, tagada, tagada. Elle va kiffer sans parler, elle va mouiller son doigt et je vais la faire transpirer. Un coup de fil égal, un coup de pine. Je suis plein d'amour, alors appelle des copines. T-Mal, tu connais les bails. Je parle pas d'archives quand je parle d'anal. Quand je la ramène à la ragba, je t'accouche au parterre pour pas salir les draps. Je vis pas d'amour et d'eau fraîche, mais de meuf et de monster. Appelle-moi à n'importe quelle heure, après 14h où je fais. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué. Elle m'a choqué, elle m'a choqué, elle m'a choqué. 96.2. La FM en couleur.

standing at the crossroads at 12 o'clock. the burnt out motel, the king of commas, Mississippi, where the good is hound from hell. Neon river boat, taking income from the poor. It's floating by the levee there, out in an artificial creek. There's a 6 mile tailback back out of Junction 304. A stranger at the crossroads, he thinks he's seen his face before. He said, whoa, whoa, whoa, don't cry for me. He's got tears that fill the river. Tears seem to fill. La FM en couleur. Quelque chose me dit que t'as changé de style. Quelque chose me dit que t'as changé ta vie. Quelque chose me dit. Quelque chose me dit que t'es plus une petite fille. Quelque chose me dit que t'as changé de lit. Quelque chose me dit. Ce rose sur tes joues, la lumière dans tes yeux. Tout d'un coup je me sens vieux. Quelque chose me dit, oh dit, je ne suis plus l'homme de ta vie. Quelque chose me dit, oh dit, je voulais pas le voir, mais t'as grandi. Évidemment, y a ce bon vieux temps qui file, Et maintenant te voilà grande, grande, si grande ma petite fille. Anyway, anyway, je t'aimais avant, je t'aimerai après. Depuis quelque temps, c'est vrai que tu t'éloignes. Depuis quelque temps, tu es là et ailleurs, au même moment. Depuis quelque temps, le silence te gagne. Depuis quelque temps, ce que tu ne dis pas est le plus important. Je peux lire dans ton cœur comme on lit dans un livre. Tout d'un coup, je me sens ivre. Quelque chose me dit, oh dit, je ne suis plus l'homme de ta vie. Quelque chose me dit, oh dit, je voulais pas le voir, mais t'as grandi. Évidemment, il y a ce bon vieux temps qui file, et maintenant te voilà grand, grand, si grande ma petite fille. J'aimais avant, je t'aimerai après. Moins que de la jalousie, mais plus que de la nostalgie. Aujourd'hui, quelque chose me dit. De colère ou de joie, de rage.

96.2. La FM en couleur. J'ai retrouvé l'espoir. Pour toi et moi, c'est le début d'une histoire. Tu es celle qui sait lire dans mes pensées. Avec toi, le temps s'est arrêté. Diamant, original, tout le monde. On a rendez-vous au soleil. On va tâcher nos rêves. Quand le jour se lève, on a rendez-vous au soleil. Là où rien n'est plus pareil. On a rendez-vous au soleil. On va tâcher nos rêves. You never try.